Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël, j'ai 16 ans. Voici ma création pour le concours de ma vie. C'est deux poésies que j'ai écrites. Un quand j'étais heureux et que tout se passait bien pour moi en amour. Et l'autre, quand ça ne se passait pas vraiment trop bien, c'était un peu plus réaliste pour moi. Donc je vais vous présenter mes deux poèmes. Mes parents m'ont toujours appris que voler c'est mal. Mais est-ce mal de voler le cœur de la personne qu'on aime? J'ai jamais volé de ma vie, mais il y a une fille depuis que je l'ai rencontrée, mon seule envie c'est de pouvoir voler son cœur. J'ai toujours cette folle envie de l'embrasser, de cajoler ses joues et son cou, pour respirer l'odeur de son parfum qui me rend fou d'amour pour elle. Le problème c'est qu'elle et moi on se connaît très peu, mais j'ai qu'une seule envie, c'est de la voir à mes côtés. Elle est une source d'inspiration de ma vie et la seule qui sait comment me faire frémir. À chaque fois que je pense à elle, mon cœur se met à trembler, mon esprit se met à tournoyer. Je perds même mes mots comme un bébé qui apprend tout juste à parler. Tout ça, c'est juste pour dire combien elle me plaît et comment mes sentiments pour elle sont énormes. Ça paraît joli, pas vrai? Mais c'est pas très réaliste. Ça, c'était quand j'étais dans mes rêves et tout. L'amour, c'était tout rose pour moi. Mais je vais vous lire quelque chose d'un peu plus réaliste. On entend parler de l'amour depuis notre naissance. On le voit dans les films, on l'entend dans les chansons, on le lit dans les livres, etc. Mais c'est quoi l'amour? Je vais vous donner ma version de ce que c'est l'amour. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire le charabia habituel comme l'amour nous donne des ailes, où elle passe toutes les barrières. Je vais vous ouvrir les yeux sur ce que c'est vraiment l'amour. L'amour, c'est comme une drogue. Et comme vous le savez tous, les drogues sont nocives. L'amour nous rend dépendants. C'est comme un système mis en place dans le seul but de pouvoir détruire le cœur de pauvres innocents qui y croient. Il sert juste à faire en sorte que la substance chimique composée d'eau et de sel, appelée l'âme, puisse sortir de nos yeux et de nos cœurs. Je sais que dans les télénovelas, on voit souvent des fins heureuses, mais la réalité est tout autre. Le plus souvent, quand on tombe en amour, on se retrouve à ramasser notre cœur à la petite cuillère. Merci.